5, c'est familial. On a la dalle, on se régale. Vas-y, fais tourner et cesse de déconner. 1, 3, 5, c'est la base que des chiens de la casse. Si tu testes entre cases à la Benzema, je gratte le papier comme de l'eczéma. Viens pas où t'as papier, fais pas de cinéma. On vient de là où les petits sont grands. Jeune autonome, le reste m'en branle. 1, 3, 5, que des hommes, on reste en banque. Si tu fais trop la folle, un deck au gangbang. On est à la team, y'a pas de victime. Si tu nous surestimes, nous on te sous-estime. Ici c'est aussi Saint-Jean, la Pointa. J'arrive, je veux pas la vie, Iniesta. Une embrouille avec l'équipe, on est là. On te bat comme le mec d'Alerte Cobra. Arrête de faire le mec car t'as des gros bras. On te carotte comme par magie, abracadabra. Mes frères ont changé de double juste pour des gaz. Entre un rite le foot juste pour des tasses. Ça là c'est pour Stani, croise frappe dans la cage. Si tu pars on te bannit d'entrer dans la cage. Petit ballon Valbuena pour Gignac. Mes frères en lagnac. Y'en a qui t'affichent maître, c'est le feu de l'amour. On rap, on fait le taf, si c'est pas le feu de l'amour. C'est un 3-5, c'est familial. On a la dalle, on se régale. Vas-y, fais tourner et cesse de déconner. C'est un 3-5, c'est familial. On a la dalle, on se régale. Vas-y, fais tourner et cesse de déconner. Pensez les gars, comme ça fait un nick. Les gens te portent l'œil et pas derrière te unique. Un 3-5 family, t'as reconnu l'équipe. Tellement mon rap lumineux, t'as cru à l'éclipse. J'ai pas d'amis, car souvent ça te minique. Les rappeurs d'aujourd'hui font des rituels sataniques. Parle mal, j'en mets deux, as de pique. Un 3-5, mon langage, je te l'explique. Je représente un 3-5 et je te montre mon premier couplet. Écoute son qui fait mal et tu seras obligé de kicker. C'est un 3-5 et c'est familial. Toi-même tu sais qu'on se régale. Tu fais vers moi tes couilles, mais quand ça arrive à balle, ça sent l'embrouille, mais qu'à 3-5 ça détale. On est des petites lattes et on est venu vous faire mal. Et ne si t'aimes pas, ben pas si remballe. Je rentre dans le game comme un requin qui cherche sa proie. Je suis pas chrétien, mais je mets du Christian de la croix. Tête à tête, pas du genre à te prendre à trois. Hey, j'abim bam boum, direct dans le foie. Tu parles de coffrage, mais t'as rien fait. Mon équipe et moi mérite le trophée. Ingrat, elle a la valeur de mon couplet. Je m'arrête là, ma fille va se déchirer. Je me présente, je suis le petit Algérien. Ouais, tu sais d'avance que j'ai trop faim. Je suis comme toi, un petit galérien. Tu m'inique avec moi, un coup dans les reins. Pas besoin d'énergie pour passer dans le hit. Un 3-5, j'en ai ton homme, que des feats. Tu t'es fait péter par un Schmitt. Dans la tête que tu cogites. C'est un 3-5, c'est familial. On a la dalle, on se régale. Vas-y, fais tourner. Et cesse de déconner. Tiens, 3-5, c'est familial. On a la dalle, on se régale. Vas-y, fais tourner. Je suis déterre dans le quartier comme au micro. L'esprit de Colombo, la force de Rambo. T'as fait 10, 20, 30, 40 combos. Quand on est chaud, j'en ai marre, nous sommes égaux. J'arrive à coup de cartouche, un bâtard, je le couche. Une cible, je la touche, mec, t'es louche. Putain, je leur fais mal, mais je les régale. Bye, bye, bye, je me taille. 135, c'est l'écurie. On est à cheval entre l'école et les conneries. C'est horrible, comment les corrige. Laisse-moi dans ma folie, ici pas de prodige. S'il faut, on les plie. Ici on est bouillant, mais on parle pas trop. On est souriant, mais on peut taper dans le lot. Envoie les diamants et on y go. Jeune autonome, la proximité Casamo. C'est un 3-5 sur la plaque. Fais ton bis, coupe ta plaque. C'est tu Joule qui débarque. Pour mes blancs, beurre et black. Passe-moi un stun, tu vas voir si ça cabre. Embrouille sur le sable, crocodile sur la sape. J'dors pas, j'suis tout pâle, j'dis pas que j'suis tout. Je dis pas lui, je vais le tuer. Si j'ai même pas de balles, c'est pour ceux qui capatent. Fais gaffe, les chemises tapatent. Celles sont anti-BDH, anti-tapette. C'est 3-5, c'est familial. On a la dalle, on se régale. Vas-y.